Vous écoutez ? La croche-oreille. Eh bien, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1. Sur le poste radio, une aventure que l'on peut capter aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver ce soir en compagnie de Chitakon Bakam, un musicien, compositeur, artiste sonore qui mène ses projets de création sous le nom très allégorique de Hazy Montagne Mystique, un personnage, vous allez voir, fascinant qui développe depuis une quinzaine d'années un univers artistique inspiré de ses origines laotiennes et québécoises. Son propos sonore est à la fois onirique, spirituel, poétique. Je vous cite quelques titres de ses récents projets, albums, là. Études de la noirceur, schéma d'une boussole, Le ciel est gris, mais tu ne t'envoles pas, Je sens ton souffle sur mon visage pour me permettre de rêver encore, Bleu, quand je ferme les yeux. Hazy raconte que sa montagne mystique est sacrée, recouverte d'une toundra arc-en-ciel miroitante, parsemée de mystères, et j'ajouterais peuplée de nombreux amis, parents et complices. Hazy Montagne Mystique, dira-t-il quelque part, est un projet qui se veut une vision sonore de ce qui se passe quand on ferme les yeux. D'origine laotienne et thaï-dam, Chitakon Bakam mène sa vie de musicien et d'artiste sonore sur la scène expérimentale montréalaise depuis 2008. Il a notamment collaboré avec l'artiste visuel Guillaume Vallée. Chitakon cofonde avec Catherine Debar le label Jeunesse Cosmique en 2010, un label qui s'est donné pour but de réunir des artistes qui partagent des valeurs communes sur les plans humains et créatifs. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Chitakon Bakam et Hazy Montagne Mystique attablés au café Yves de la rue Saint-Zotique à Montréal il y a quelques semaines. Alors, on écoute ça. Chitakon Bakam, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer aujourd'hui. On est dans le café Yves, dans Rosemont, la petite patrie, sur la rue Saint-Zotique à Montréal. Alors, café très sympathique. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'activités. Très heureux de te rencontrer. Merci, Gaëtan. On représente Rosemont. Vu que c'est mon hood, j'ai donné rendez-vous ici pour l'entrevue. Tout à fait. Très bonne idée. Chitakon, écoute. Tu mènes tout de même de la création en art sonore depuis quelques années. Je parle d'art sonore, mais aussi on est dans l'univers de l'expérimentation musicale. Et je lisais dans la documentation que tu n'étais pas un musicien de formation, que tu as, bon, on dit, appris sur le tas, ou en tout cas, tu as expérimenté un peu la flûte traversière et puis ensuite passé à la guitare. Mais dis-moi, outre ces anecdotes, j'aimerais ça que tu nous parles du moment d'éveil. À quel moment l'expérimentation, proprement dite, prend le dessus là, dans ton univers de création sonore, musicale? L'éveil est apparu quand je pratiquais avec une formation qui s'appelait les Gustavo Kuerten, en l'honneur du joueur de tennis, c'est avec mon frère, et aussi Sébastien Trafalgar, en fait. Et c'est là que nos trois, on a commencé à expérimenter le feedback. On était dans les années 2003-2004. On allait jammer à notre local de pratique. Puis on avait des amplis Marshall, des stacks. Fait que c'est là qu'on a vu, waouh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Fait que j'ai expérimenté la première fois avec ma voix, avec une pédale de distorsion. Et j'ai connu et rencontré le feedback en pleine face. Et c'est là que j'ai commencé à expérimenter le son. Et à cette époque-là, c'était le son pour le son ou s'il y avait là, l'idée d'exploiter des instrumentations plus que d'autres? Mais c'était pas le son pour le son parce que j'avais une grande inspiration d'un groupe japonais qui s'appelle les Rallies Dénudées. Et c'est un groupe des années 60-70 qui ont beaucoup évolué au Japon à l'époque. Et eux, ils expérimentaient beaucoup ce genre de feedback-là à la guitare et à la voix. Et nous étions très inspirés par ce groupe-là. Et c'est pour ça qu'on a un peu appris, et non juste faire du gros son, du noise brutal, violent, mais aussi des mélodies avec le feedback. On va donner un bon exemple de ça, de cette traversée là où on passe de la flûte traversière au noise. Tu l'as même nommé dans une entrevue, le noise mélodique. On va écouter une pièce de 2012, ça s'appelle « Le ciel est gris ». Le ciel est gris, mais tu ne t'envoles pas. C'est tiré de l'album Split with Velvet Glacier. Bon, je raccourcis un peu le titre. On va écouter cette belle pièce et puis on poursuit ensemble notre échange. Thank you. Chitakone Bakam, c'est ton nom de famille, comme on dit, mais un nom de famille qui est aujourd'hui associé à un nom d'artiste qui est Asie Montagne Mystique. Et c'est un très beau nom d'artiste, mais qui est évocateur. Et j'aimerais que tu me parles de l'émergence de cet intitulé, de cette identité qui est à la fois mystérieuse et très, très évocatrice. J'aimerais t'entendre sur ce personnage. Quand j'ai commencé Jeunesse Cosmique avec Catherine Debord, on avait des projets aussi qu'on partageait ensemble. Et un jour, on s'est dit, on pourrait aller en solo et avoir notre propre projet et trouver un nom pour représenter les futurs projets solo. Donc, Catherine Debord est devenue Ylang Ylang et moi, je suis devenu Hazy Montagne Mystique. Et le nom, ça a été un peu une influence aussi avec notre label qui s'appelle Jeunesse Cosmique. On était très dans le milieu astral aussi, dans le New Age et tout ce genre de projets, de la méditation. Et mon nom vient d'une inspiration, c'est sûr, de Jodorowsky, de la montagne sacrée. Et j'ai mélangé un peu le français puis l'anglais comme Hazy puis montagne mystique pour avoir une identité aussi francophone qui était super important pour moi. Et c'est là qu'est devenu mon nom depuis 2012. Ouais. Asie Montagne Mystique, on va écouter un autre extrait, cette fois un album de 2020. Ça s'intitule « Je sens ton souffle sur mon visage pour me permettre de rêver encore ». Ça, c'est l'album, hein? C'est le titre de l'album. La pièce qu'on va entendre, ça s'intitule « Le bleu traversait les océans, il serait comme tes yeux ». On écoute ça. Très beau titre, d'ailleurs. Thank you. Asie, montagne mystique, dis-moi, comment ça démarre un projet de création dans la vie, dans la vraie vie de créateur? Bien, ça dépend toujours parce que pour, disons, mes projets personnels, les œuvres jaillissent toujours dans ma tête et c'est pas un arrêt. Il y a toujours comme des mélodies qui s'enchaînent dans ma tête puis je les ressens beaucoup. Puis je peux les pondre quand je suis chez moi ou en train de faire de la musique ou même quand que j'ai un arrêt, par exemple, pendant un moment d'écriture, bien, j'ai comme un flash d'une sonorité, fait que je le fais immédiatement. Mais je travaille aussi au milieu de la danse puis du cinéma expérimental. Et ça, c'est plus des compositions. Ça demande beaucoup plus d'énergie et de temps. Mais comme j'ai dit tantôt, ça dépend vraiment des moments, mais la musique est toujours dans ma tête. Est-ce que la musique est prépondérante dans ton univers ou si on a comme un équilibre relatif là, avec des sonorités qui ne sont pas musicales en tant que telles? Bien, les sonorités, que, par exemple, qui ne sont pas musicales, je peux aller les chercher en faisant beaucoup de field recording ou entendre la nature. Moi, ça m'inspire beaucoup, le son de la nature, le son de l'environnement. Et j'associe pas nécessairement ça à de la musique. C'est plus des sons, c'est plus des images que je vois dans ma tête. Et à partir de là, bien, je compose des layers et des layers de sons. Mais juste voir une image aussi ou regarder des longs cours d'eau, des montagnes, ça m'inspire beaucoup des sons. Et c'est à partir de ça que je crée des sons qui n'existent pas ou qui vont exister éventuellement dans mon œuvre. Oui, tout à fait. Écoute, Shitakon, on va écouter une autre pièce. Elle est tirée d'un très bel album. Tu m'as apporté tout à l'heure un vinyle de cet album qui s'intitule « Tu ne te retourneras pas ». Et la pièce s'intitule « Fumée intérieure ». Alors, on écoute ça ensemble et puis on poursuit notre conversation. Tu l'as un peu évoqué, Asie, montagne mystique, tes sources d'inspiration. Bon, il y a la nature, tout ça, mais quand on prend le soin de lire les titres de tes œuvres, des titres très évocateurs. À la limite, il y a un sous-texte très poétique. Et j'aimerais que tu nous parles de tes sources d'inspiration, mais globalement, dans le monde des arts, là, qu'est-ce qui fait que quelque chose émerge sur le plan de la création ou encore sur le plan de l'inspiration, dans le contexte, peut-être pas de projet immédiat, là, mais dans le contexte où, de tes recherches, de tes réflexions sur la création au sens large? À la base, je suis vraiment inspiré par mes amis, aussi, des collaborateurs, collaboratrices qui ont des idées vraiment géniales. Et c'est eux où que je puise mes ressources d'influence. Fait, je peux citer Guillaume Vallée, qui fait du visuel, qui fait du cinéma expérimental aussi, qui est un de mes collègues de travail, si on veut, parce qu'il m'inspire beaucoup. Puis on est allé en tournée ensemble souvent. Et il m'accompagnait aussi dans ma musique. Et il y a aussi Kim Sam Chow, qui est une chorégraphe de danse contemporaine. Son travail axé aussi sur la recherche de l'Asie du Sud-Est, d'où je viens aussi, moi, du Laos, elle, d'origine du Vietnam. Fait que ça m'inspire beaucoup. C'est tout le milieu de la danse. Il y a Louise Michelle Jackson aussi, une autre chorégraphe, interprète avec qui je travaille, qui m'inspire beaucoup. Et il y a aussi mes amis qui font de la musique, qui recherchent aussi comme moi. Fait qu'on s'inspire beaucoup parce qu'à la base, nous étions un gros collectif Jeunesse Cosmique qui s'inspirait énormément parce qu'on travaillait souvent ensemble. Presque à chaque semaine, on avait un lieu de rencontre et c'est là qu'on allait expérimenter nos idées. Fait qu'à partir de ça, c'est sûr que c'est enrichissant pour moi, mais je m'inspire beaucoup aussi du cinéma parce que je viens plus du monde du cinéma avec mes études. Mais après ça, ça s'est débouché en musique. Mais je veux dire, comme les images m'inspirent beaucoup, ils m'inspirent des titres. Et vu que ma musique est souvent instrumentale, c'est pour ça que j'aborde des longs titres poétiques, juste pour expliquer ma façon de voir la vie selon la pièce qui va avoir un gros titre. C'est vraiment intéressant ce lien avec la communauté, la fraternité. Pour illustrer ça, il y a un très bel album que tu as lancé en 2016. Ça s'intitule « Études de la noirceur ». Le schéma d'une boussole. On va écouter un titre, ça s'intitule « Lampe solaire écrit automnale ». Là aussi, des éléments qui sont très évocateurs une fois réunis sous cet intitulé. Alors, on écoute ça. Thank you. Chitacon, tu as parlé de Jeunesse Cosmique. Bon, c'est un label qu'on retrouve là, sur la plateforme Bandcamp, entre autres. J'aimerais que tu me parles de cette idée. Comment elle est apparue? Bon, on rêve tous de faire le travail, mais il y a derrière ça un engagement à l'égard de la communauté. J'aimerais t'entendre sur ce label qui est très diversifié, très intéressant. Ça a été créé en 2010. Je suis le co-directeur et co-créateur avec Catherine Debord, que j'ai mentionné avant. En fait, c'était un besoin pour nous d'avoir une maison de disques, justement pour lancer notre musique à la base, parce qu'elle était très exploratoire et on n'avait pas de maison pour nous accueillir. C'était difficile à l'époque. On parle de 2010, fait que c'était difficile de percer la musique avec une musique un peu plus à gauche que qu'est-ce qui se faisait à l'époque. Puis on a décidé de juste former notre maison de disques, Jeunesse Cosmique. Et à partir de là, on a forcé les choses, on a signé des artistes, pas juste de Montréal, mais de partout dans le monde, en Europe et au Japon. Ça nous a permis de faire des tournées aussi, d'aller rencontrer des gens avec qui on collaborait, mais de loin. Et on les a appris à les connaître, à jouer avec eux, à faire des soirées en dehors de Montréal. Et à Montréal aussi, on a beaucoup organisé des soirées. Je pense qu'on était très actifs entre 2014 et 2018. On était très forts dans la scène quand on était un gros collectif. Là, c'est sûr que ça s'estompe un peu, mais je laisse le label aller par lui-même, comme un bébé adolescent qui est devenu un adulte un peu, si on veut. Vous écoutez La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL. Quête Angostin au microphone, heureux de vous retrouver jusqu'à 22h ce soir. J'accueille Easy Montagne Mystique, l'avatar artistique et sonore de Chitacon Bakam. On raconte qu'Easy construit des univers sonores inspirés de ses origines laotiennes et québécoises pour nous faire voyager dans des lieux intangibles. Artiste multidisciplinaire, Chitacon se consacre à la composition, à l'installation, à la performance. Il a présenté son travail musical et sonore et performatif à travers le Canada, les États-Unis, au Japon, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, et j'en passe quelques-uns. Il a cofondé le label de Sono Jeunesse Cosmique qu'on retrouve sur la plateforme Bandcamp. Alors voilà, on poursuit ensemble l'écoute de l'entretien qu'il m'accordait il y a quelques semaines. Thank you. Chitakone, on vient d'entendre un très beau titre tiré de l'album Bleu, Quand je ferme les yeux. Le titre est en laotien. Bon, la traduction est celle-ci, Préoccupation et attente. Et j'aimerais qu'on parle de tes origines laotiennes. Bon, quelle importance ça prend dans ta création? Parce que tout de même, là, il y a quelques albums où on sent à la fois les racines profondes. Et j'aimerais que tu nous parles de cet aspect dans ta création proprement dite. En fait, je suis d'origine laotienne et moitié Thaï Dam. Mes grands-parents du côté de ma mère sont Thaï Dam, c'est-à-dire c'est une tribu venant de Chine, mais qui ont été poussés vers le sud au Vietnam et au nord du Laos. Et mon père de sa famille d'origine laotienne. Et en fait, quand que j'ai commencé à me questionner sur mes identités ici par rapport à où que je vis ici au Québec, mes grands-parents ils m'ont donné une tonne de cassettes qu'ils ont enregistrées en fait, au Laos. C'est des mantras de Thaï Dam. Et totalement sans musique, juste du vocal de ma grand-mère, de mon grand-père. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que je pourrais adapter ces mantras-là avec ma musique que je fais, plus ambiante. Et ça a commencé comme ça, c'est une recherche vraiment profonde de mes origines face à moi-même et à ma musique exploratoire. Et ça a donné un projet que j'ai commencé à la Galerie Clark, ici à Montréal, qui s'appelle Lan Bakam et Tan Bakam, en l'honneur de mes grands-parents. Et c'est deux longues pièces de 15 minutes. Avec les mantras de mes grands-parents. Et ça a enchaîné avec une grosse recherche. Et encore aujourd'hui, en 2024, je suis encore obsédé par ces cassettes-là qui me hantent. Alors, je travaille encore ça. Puis c'est comme, je veux dire, comme un truc que je ne veux pas perdre, un héritage de mes grands-parents que je veux laisser aussi à travers ma musique et aussi à travers d'une tribu, les Thaï Dam, que je fais honneur. Et pas nécessairement connu ici au Québec, mais encore là, c'est comme un travail que je fais encore aujourd'hui. Il va y avoir plusieurs suites aussi à partir de là. C'est un travail extrêmement touchant et je m'en serais voulu d'oublier cet album qui m'a plu dès la première écoute. Ça s'intitule « Grand-papa Tan Bakam ». Un projet, c'est un hommage à ton grand-père, puis on sent aussi toute cette préoccupation qui traverse ton œuvre, je dirais, une préoccupation autobiographique où on est enraciné dans la communauté montréalaise, dans la communauté du Sud-Est asiatique. C'est vraiment très intéressant. Alors, on écoute cette belle création. en hommage à ton grand-père Tan Pakam. Bon, Chittagong Bakam, ça c'est l'individu, le citoyen de Montréal, Asie, montagne mystique, l'artiste qui se profile derrière. Est-ce qu'il y a un écart très grand entre les deux identités, entre les deux personnages? Est-ce que tu les définirais? Comment tu les définirais l'un et l'autre? Bien, les gens qui me connaissent, c'est sûr qu'ils vont pas voir de grandes différences entre Asie Montagne Mystique et Chittagong moi-même, parce que en fait j'incarne Asie Montagne Mystique comme Asie Montagne Mystique peut incarner Chittagong. C'est comme deux personnes qui est un qui fait un tout, parce que sans l'un et l'autre, je pense que l'autre n'existera pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant de différences, mais je pense que Chittagong est plus dans ses émotions, et ses émotions, il va les créer en musique avec Easy Montagne Mystique. Fait que c'est tout un complément, en fait, entre les deux personnes. Thank you. Asie, montagne mystique, bon, jeunesse cosmique, les projets sont importants. Ça, c'est l'engagement vis-à-vis de la communauté. Et Chittagong Bakam, bon, qui nourrit Asie, montagne mystique. Les projets à venir là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, sur le plan de la création, de la réflexion, comment ça se passe? Je travaille sur mon album en collaboration avec Melina Spiga, une chanteuse multi-instrumentiste aussi. En fait, on a un duo ensemble qui travaille beaucoup les voix et des élévations, des cantations, des mantras. C'est à venir. Et je travaille aussi avec Stéphane Boucher, un artiste extraordinaire dans le milieu de la musique fourre-tout. Et on a un projet ensemble qui n'est pas encore, je veux dire, très, très actif, mais on a fait un concert coup de poing. Mais c'est, j'en dirai pas plus, c'est à venir. Et aussi, en danse avec Kim San, on tourne encore la pièce qu'on a fait ensemble qui s'appelle Bleu Néon. Et on va le continuer en 2025. Et je travaille aussi sur sa nouvelle pièce qui va paraître. Et c'est un peu ça, comme c'est déjà beaucoup en fait. Puis je travaille aussi sur des projets plus personnels. Et mon album personnel aussi, solo, qui va faire suite à Tu ne retourneras pas. Il est toujours en processus, mais ça, c'est un long processus parce que l'album que j'ai fait, ça a pris comme 5 ans de gestation. Et le prochain album, je pense qu'il va peut-être prendre la même durée, mais qui va être, j'imagine, aussi excellent. Tout à fait. C'est très prometteur comme travaux à venir. Chittagong Bakam, Asie montagne mystique, grand merci de m'avoir permis cette rencontre aujourd'hui. C'était très sympathique. Merci à toi, Gaétan, de passer à Montréal. Salut. Bien voilà, ainsi s'achève la croche-oreille pour ce soir en compagnie de l'artiste sonore et cofondateur du label Jeunesse Cosmique, Chittagong Bakam, dit Hazy Montagne Mystique. Grand merci à Chittagong ainsi qu'aux artistes, musiciens, musiciennes, collaboratrices, collaborateurs de nous avoir permis l'écoute de leur création. On peut trouver les travaux d'Hazy Montagne Mystique sur les étiquettes Jeunesse Cosmique et Cool & Stuff. Comme à l'habitude, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que toutes les émissions pour écoute et réécoute à votre guise. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore. Au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.